toi bien. Mixer, échaction grosu. J'en trompe piste, voilà l'artiste. Nervi, N-E-H, mets le sur ta liste. J'ai pas le mérite quand tu es au fond de ma mallette pour enivrer les crânes et vous faire taper des galettes. Je suis hors d'esprit, donc je sais si la manette et dirige un personnage qui se veut toujours d'être honnête. Clair et net et précis dans toutes mes lettres. Mourage de combattant depuis que sur ma fenêtre. Magicien, je me sers du micro comme une baguette. Dans la bouche, je fais disparaître les homos qui pendent sous leur braguette. Jet, la vibe prend de l'ampleur et tu veux qu'elle s'arrête. Parce que t'es déjà raide, parce qu'elle passe mal comme une arête. Mais c'est sa charne, elle a prévu comme une tempête. Avoir vos gueules, j'ai l'impression que c'est bien ça qui vous embête. Voici l'athlète qui veut briller sans strass ni paillettes. Trouer la concurrence avec des phrases mitraillettes. C'est dangereux pour toi si tu empiètes dans ma zone, car j'ai le phrase qui peut te réduire en miettes. J'entre en piste, voilà l'artiste. Nervi, désormais, mets-le sur ta liste. J'suis pas un MC de passage comme un touriste. J'veux laisser des sacs, là j'ai surmonté tout risque. J'entre en piste, saluer l'artiste. Nervi, désormais, mets-le sur ta liste. J'suis pas un MC de passage comme un touriste. J'veux laisser des sacs, là j'ai surmonté tout risque. J'entre en piste, voilà l'artiste. Nervi, désormais, mets-le sur ta liste. J'suis pas un MC de passage comme un touriste. J'veux laisser des sacs, là j'ai surmonté tout risque. J'entre en piste, saluer l'artiste. Nervi, désormais, mets-le sur ta liste. J'suis pas un MC de passage comme un touriste. J'veux laisser des sacs, là j'ai tout risque. J'repars pour un nouveau couplet. Échantillon grossi. Échantillon grossi. C'est ma super connexion. Il a du stock incroyable. Merde, tu l'as dit.